Encore un jour, de plus en moins, loin de ta bouche, loin de tes mains, je bois mon café sans conviction. Dans la cuisine, j'ai l'air malin, loin de ton ventre, loin de tes reins. Putain de café, qu'il est pas bon, et j'ai perdu à l'euro million. Je me sens comme un joint sans carton, sans les feuilles et même sans le chichon. Comme une tartine sans Nutella, comme un réveillon sans foie gras. Je me sens comme une mine sans crayon, comme un bain sans bulle de savon. Comme une autoroute sans voiture, comme un lit sans couverture. Je suis comme une pile sans électron, un aéroport sans avion. Comme la Côte d'Azur sans les cons. Comme si Freddy sans érection, je me sens comme une dinde sans marron, comme Sarko sans augmentation, un nouvel an au mois de juillet, un calendrier sans pompier. Comme un soleil sans les rayons, comme un vélo sans son guidon, un sapin de Noël sans guirlande, un Noël ma mère sans les glandes, un feu de forêt sans hydravion, un poisson pané sans citron, comme un cinéma sans pop-corn, comme un chef de gare sans les cornes. Je me sens comme l'ombre sans le brouillard, comme un Django sans sa guitare, comme la peau sans le saucisson, comme une puberté sans bouton. Je me sens comme un hiver sans fin, comme Blanche-Neige mais sans les sept nains, le bois de Boulogne sans travesti, comme une cerise sans clafoutis. Je me sens comme un flic sans sifflet, comme un pêcheur sans son filet, comme un chevalier sans armure, un footballeur sans ses chaussures, comme un taureau sans testicules, comme un rocking chair sans bascule, comme un rêve sans américain, comme ta grand-mère sans maillot de bain. Je me sens comme Milan sans Remo, comme Berrurier sans Antonio, comme l'Amérique sans Francisco, comme... Dans la vie, je me suis battu, j'ai bien moins gagné que perdu, mais aujourd'hui, je suis convaincu, j'ai seulement besoin de ton cœur.